nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une écharpe rouge, un feutre noir, une grande cape noire. Grâce à Toulouse-Lautrec, nous voyons Aristide Bruand. Et via Aristide Bruand, grâce à l'adaptation de son roman, nous hantons les bas-fonds de Paris, ceux dont on ne se relève jamais, ou presque. Voici les 10e et 11e épisodes diffusés pour la première fois sur France Culture les 11 et 14 septembre 1981. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 10e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand. Et dans les principaux rôles, Monique Thierry, Pierre Constant, Daniel Vol, Pascal Mazzotti, Roger Mollien, Marianne Épin, Jean-Claude Webel et René Renault. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Et voilà, mon Jean adoré. Voilà, dans tous ces détails, la triste confession de la pauvre Valentine Clément, séduite par le comte de Charmeuse. Oh, pardon, mon malheureux Jean, pardon de t'avoir annoncé une paternité qui te réjouissait et qui te frappe aujourd'hui. Mais à quel degré d'abjection ce vilain individu est-il tombé? Notre Rose aimée vit. Quelque chose là dans mon cœur me crie qu'elle vit encore. Hélas, ma douce amie. Valentine Clément a profité de ton absence pour disparaître. Adieu. Adieu. Je vais rejoindre ma petite Geneviève. Peut-être as-tu été imprudente en te précipitant chez moi. Je comprends ta hâte, mais si un quelconque reporter au courant de l'incident du bois de Boulogne t'a aperçu entrant dans cet hôtel, les mauvaises langues en déduiront vite que j'ai pu payer Charmeuse pour me faire des excuses. Un milliardaire peut tous payer. En y mettant le prix, même la vertu d'une femme et l'honneur d'un homme. Enfin, Jean, c'est le cœur de la mère et non celui de l'amante qui m'a précipité chez toi. Pardonne-moi, mon Jean, mais un enfant n'est-ce point tout pour un couple? Cela vaut bien de braver la malignité publique. Qu'en a-t-il fait, l'infâme? Toi aussi, mon Jean, tu crois que notre heureuse aimée est toujours de ce monde? Ce n'est pas mon cœur de père qui me fait réagir, mais une raison plus prosaïque. Plus j'y songe, plus chez moi cela devient une certitude. L'horrible personnage qu'est le noble comte de Charmeuse a pu voir dans cette substitution d'enfant une carte à jouer. Et cette carte, il la jouera un jour ou l'autre. À force de jouer au tripot et dans la vie l'argent qu'il n'a pas et l'honneur qu'il n'a plus, acculé aux abois, il ne reculera devant rien. Crois-tu qu'il garderait l'enfant dans une intention de chantage? Mon Dieu, je ne sais pas. Tout est possible avec un homme pareil. Quel dommage que nous l'ayons laissé partir. Qu'est-il devenu? Nul ne l'a revu. Oh Jean, mon Jean, si notre heureuse aimée nous était rendue après tant d'années, il n'y a pas de fortune. Adrienne, je le jure devant Dieu et devant ton amour qui est pour moi plus que Dieu. Je te jure de ne goûter à aucune joie, de ne prendre plaisir à rien, de n'avoir ni repos, ni trêve, ni bonheur, ni tranquillité avant que d'avoir retrouvé, morte ou vivante, ma fille. Notre morte pour pleurer sur sa tombe, vivante pour l'aimer, l'adorer, en faire la plus riche, la plus heureuse, la plus enviée des filles riches. Oh oui, mon Jean, nous la retrouverons, j'en suis sûre maintenant. Puisses-tu lui porter bonheur, et dussé-je y consacrer ma fortune qui est immense, tels que personne, pas même moi, n'en sait exactement le chiffre. Oui, des milliards pour toi et pour Rose Aimée. Tes paroles résonnent dans un tintement frénétique d'or et de diamants. Des milliards, des milliards. Mais en même temps, un cri m'arrive, très faible, très grêle. Le vagissement de notre fille venant au monde, et ce cri, ce doux cri, couvre à lui seul le bruit de l'or. Et des larmes inondent mes yeux. Les larmes de la mère à qui on a ravi son tout petit enfant. Mon seul trésor avec toi, mon chant. Adrienne, ma noble, mon angélique amie, mon pur amour. Je sais de quelle machination infâme tu as été victime. Je connais la convoitise abjecte du plus méprisable des hommes, sa haine basse et rampante. Il fallait encore qu'il vînt nous voler notre enfant. Qu'en a-t-il fait, le misérable? Ma fille. Mais toute ma fortune pour savoir seulement où se trouve ma fille. Ma fille. Où est ma fille? Nous le saurons, Jean, je le sens. Tu me rends du courage pour oublier le passé. Et de l'énergie pour affronter l'avenir. Ma bien-aimée, regarde autour de toi. Un cadre d'or pour un tableau de désolation. Mais tu as raison. Il faut prendre la réalité à bras-le-corps. Adrienne, les relations louches de ton... Oh, je ne pourrai jamais le dire. Ce titre de mari me semble un sacrilège. Enfin, c'est du côté des accointances douteuses de cet homme qu'il faut chercher. Ce Ragdal, il a bien dit Ragdal, n'est-ce pas? Quel nom étrange. Ce Ragdal, qui est-ce? Je ne vois pas. Je ne sais pas, mes souvenirs... Oui, je sais, souvenirs de douleur et de honte. Mais il le faut, oui, il le faut, Adrienne, pour Rose Aimée. Même si ce ne sont que des lueurs vagues, elles finiront par se préciser. Oui, attends. Oui, il me semble. Oui? Oui. Oui, je me le rappelle. Il a eu à un certain moment une maîtresse. Une fille avec laquelle il s'affichait, une demi-mondaine, aux côtés sur le turf de la galanterie, comme on dit. D'ailleurs, cette femme, tu la connais? Moi? Souviens-toi. Elle habite un hôtel qui appartient à mon père. Tu le connais bien, cet hôtel? Tu l'as construit pour Suzanne d'Amour. Cela te ramène à bien des années en arrière. Des années témoins de mon amour naissant, de notre passion tendre, heureuse et partagée. Cela me rappelle un détail. Une femme de chambre congédiée à cause de son inconduite. J'y suis. Julie. Julie? Complice de mon père. Sinon, comment expliquer nos lettres interceptées? Mais tu as raison! J'aurais vu Suzanne d'Amour dans un quart d'heure. Pour ta Julie, ce sera plus difficile. Je me mets immédiatement en campagne. D'abord, un mot à Maître Darnay, mon notaire. Je lui donne ordre d'acheter le château de Balainvilliers près de Montlhéry, aux environs de Paris, qui est à vendre tout meublé et que je me réservais. Darnay à mes pouvoirs. Dans une heure, l'acte sera signé. Tu y résideras dès ce soir jusqu'à nouvel ordre. Tu cesses d'être la comtesse de Charmeuse pour devenir Mistress Gwendyn Thornley, richissime américaine. Ensuite, une dépêche pour Patrice Guéry, mon manager à New York. La fidélité et le dévouement fait homme. Tu l'aimeras dès que tu le verras. Oui, pour éviter que le scandale ne t'éclabousse, il vaut mieux faire notre police nous-mêmes. Et Patrice nous sera efficace dans nos recherches. Partez au reçu de cette dépêche en frettant à n'importe quel prix le steamer le plus rapide qui se trouve en rade de New York. En tenant compte de la différence de longitude, vous devez être rendu au Havre dans 6 jours et 18 heures. Je t'admire avec beaucoup de surprise, pour ne pas dire de stupeur. Mais t'as dit en qui, ma chérie? L'inverse de la sage lenteur française. La première règle d'une stratégie habile, vois-tu, est d'agir vite. Je remuerai le ciel et la terre et l'enfer aussi. L'enfer où le diable et les démons s'appellent Charmeuse et ses complices. Oh oui, mon Jean. Et tu me rendras ma fille, notre enfant bien-aimé. Gage adorable et charmant de notre infini, de notre éternelle tendresse. Pour avoir le droit de naître, celui de se mettre à sa fenêtre, faut de l'argent. À chaque pas dans la vie, que l'on pleure ou que l'on rire, faut de l'argent. Ce vieillard octogénaire, à celui qu'il mène en terre, faut de l'argent. Et Christinos en croupatise pour le conduire à l'église. Faut de l'argent! Il sera procédé par autorité de justice à la vente des meubles, bijoux et hardes de la fille Suzanne d'Amour. Arriverai-je trop tard? Pardon, messieurs! Pourriez-vous me dire qui fait vendre Mademoiselle d'Amour? Moi, monsieur. Ah, monsieur Bonner, je m'en doutais. Et quel est son passif? 150 000 francs. Monsieur, voici un chèque pour cette somme. Vous pouvez faire retirer vos gens. J'ai bâti cet hôtel, vous le savez, et il me déplairait de le voir passer en d'autres mains que celles de la reine de Paris. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Madame, encore un type qui demande après vous. Oh, encore un de ces salauds de gens foutre à la bonne heure. Si seulement il m'apportait l'argent que cette vache de banquier... C'est fait, madame, vos dettes sont payées. Mais... Et comme vous ne pouvez vivre de l'air du temps, voici un autre chèque. Oh. Ménagez-le, pourtant. Mais monsieur, je... Mais je vous reconnais. Monsieur Jean Robin. Mais qu'est-ce qui me vaut votre générosité? La faveur d'un entretien particulier. Oh, mais monsieur, c'est la moindre des choses. Laisse-nous, Jeanne. Eh bien, madame. Vous vous méprenez, madame. Pourriez-vous tout simplement me dire si, chez vous, ou par votre entremise, le comte de Charmeuse ne s'est pas lié avec des gens douteux? Oh, ben, vous savez, on en connaît des tas, forcément, avec la vie que je mène, homme ou femme, ou ni homme ni femme, d'ailleurs. Attendez. Mais oui. À la demande de Roger, ça m'avait même épaté à l'époque. Je lui ai fait connaître un certain Ragdal, que j'avais connu dans mes jours de dèche, oui. Un surnom, naturellement. Je n'ai jamais su son vrai nom, non. Ni d'où il venait. Et les flics non plus, d'ailleurs. À ça, j'en mettrais ma tête à couper. Et tout de suite après, il s'est mis à dépenser de l'argent à gogo. Même que ça a estomaqué tout le monde de le voir raquer. Forcément, hein. Ragdal, oui, c'est... Oh, une vieille histoire qui remonte à une dizaine d'années. Eh bien, tenez, peu de temps après le mariage de Charmeuse avec Mademoiselle Bonner. Et ce Ragdal, qu'est-il devenu? Eh bien, il s'est évadé de la roquette. Oui, on n'a jamais su comment. Et puis, il a disparu de la circulation. Ah, mes relations ne vont tout de même pas jusqu'aux apaches qui s'urinent pour un louis. Hein. Il était marié, paraît-il, oui, il aurait même eu des gosses. Ben voilà, j'en sais pas plus. Bien. Si vous me permettez une autre question, peut-être indiscrète. Oh, je vous en prie, monsieur. Avez-vous revu le comte de Charmeuse? Oh, ça m'épaterait qu'on voit le bout de son nez quelque part, même chez moi. Je me suis bien gourée sur lui. Oh là là, se dégonfler à ce point, c'est pas vrai. La presse l'a tellement déblasonné, il ne s'en remettra jamais, vous savez. Qui sait? Mes hommages, madame. Pour être un héros de la gomme, un boulevardier qu'on renomme, faut de l'argent. On se fait payer des fourrures, des chevaux et des voitures, faut de l'argent. Pour être adoré des femmes, cajolé par les petites dames, faut de l'argent. Car pour acquitter leurs notes et se faire aimer des cocottes, faut de l'argent. En réalité, que devenait le comte de Charmeuse? Il redescendit dans les bas-fonds, mais pour son propre compte. Les bas-fonds où personne, pas même Jean Robin, n'avait une chance de remettre la main sur lui. Il aurait mieux fait de se suicider. Erreur, monsieur de l'Excelsior. Il voulait vivre. Non pas par habitude, mais pour sa vengeance. Et les jours et les semaines passèrent. Afin de s'étourdir, de ne plus penser, d'oublier, enfin, il buvait. Et l'alcool en faisait un autre genre de monstre. Il se tairait à Belleville, telle une bête peureuse de la lumière du jour. Brisé, vieilli, méconnaissable, mais toujours haineux, il promenait par ces ruelles tristes et pauvres son lourd ennui et ses amères rancœurs. Une petite galache. Non, monsieur, je ne vous écoute pas. Je fais mes courses à pied, je suis pas une dupe sèche. Oh, monsieur le comte! Mais oui, c'est bien vous! Vous ici? Vous vous trompez, mademoiselle. Monsieur le comte ne me remet pas ? Julie, la femme de chambre de madame la comtesse, et même avant, chez monsieur Bonnaire. Oh, moi, je reconnais bien monsieur le comte, malgré qu'il y a bien 10 ans. Oh oui, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui, oui, Julie, oui, oui, parfaitement, en effet, je me souviens, oui. Vrai, ça m'a fichu la guigne de quitter le service de madame la comtesse. Rien ne marche. Je turbine dans les ateliers en extra quand il y a de la presse. Quelquefois, faut bien vivre, n'est-ce pas ? Je descends jusqu'au boulevard de la Villette. Dame, c'est par rapport à la petite, elle vient d'avoir 10 ans. 10 ans ? J'ignorais que vous ayez une fille. Je peux bien le dire maintenant que je suis plus au service de monsieur le comte. Un cadeau d'un de ses amis, monsieur Ragdal. Ragdal ? 10 ans ? Une fille, c'est elle ? Ce ne peut être que Rosémée. Il l'avait confiée à Julie. Juste retour des choses d'ici-bas. L'heure de la vengeance a sonné. Adrienne Robin, je vais vous rendre tout le mal que vous m'avez fait. Tenez, la voilà qui sort de l'école. Maman, maman. Dis bonsoir au monsieur. Elle est intimidée. À ma petite amie, voilà 5 sous pour t'acheter des bonbons. Dis merci au monsieur. Faut toujours être gentille avec les messieurs. Et vous allez la chercher tous les soirs ? Quand je travaille pas. La semaine prochaine, je suis retenue pour 8 jours dans un atelier de couronne mortuaire. Ah, tenez, Julie. Acceptez ce louis pour vous et la petite. Oh, merci, monsieur. Je faisais un tour chez les bric-à-brac pour voir. Pierreuse, trotteuse, elle marche le soir quand il fait noir. Sur le trottoir, sur le trottoir, elles vont comme ça, par-ci, par-là, en appelant l'amour qui s'en va. Pierreuse, trotteuse, elle marche le soir quand il fait noir. Sur le trottoir, sur le trottoir, elles ont plus de feu, elles prient le bon Dieu qu'il y ait un bon feu chauffer leurs pieds. Pierreuse, trotteuse, elle marche le soir quand il fait noir. Sur le trottoir, sur le trottoir. Christ aux yeux doux, qui est mort pour nous, chauffe la terre où ce qu'on fait leur trou. Pierreuse, trotteuse, elle marche le soir quand il fait noir. Sur le trottoir, sur le trottoir. Dans la semaine qui suivit, certains soirs, un homme, le col de son paletot relevé, son chapeau rabattu sur les yeux, passait boulevard Serrurier. Il conduisait une petite fille par la main, la traînait plutôt le long des fortifications entre la porte de Romainville et le canal de l'Ourcq, désert à cette heure-là. Un désert rendu sinistre par la pluie qui bat, oblique, diluvienne, sous les rafales d'un vent violent. L'enfant résiste. Allez, viens. Viens. Et puisque je te dis que ta petite maman nous attend, elle travaille dans ce quartier, voyons. Viens. Allez. L'homme essaie de rendre sa voix caressante et douce, sans y réussir. Et l'enfant claque des dents de peur et non plus de froid. Il passe inaperçu à la barrière de l'octroi du pré Saint-Gervais. Les gabelous sont à l'abri. En dehors des fortifs, l'homme oblique à gauche, du côté du fossé, poussant devant lui l'enfant, inerte, muette de terreur, en proie, qui sait, à quelque fatale suggestion de terrifiante hypnose. Ainsi, le serpent fascine sa proie. La pauvre mignonne que l'alcoolique, l'infernal comte de Charmeuse, plus que fou, conduisait à la mort, n'avait plus de force, plus plus de volonté. Elle n'avait même plus de pleurs. Soudain, l'homme qui est derrière entoure d'un geste brusque le cou de la fillette de ses deux mains nerveuses. Pas un cri. Il serre longuement, féroce. Rien. Le supplice de l'infortunée petite créature ne fut pas de longue durée. Je suis vengé. Le comte de Charmeuse, ce vivant dont l'honneur est mort, a commis un crime. Le crime d'un mort. Un de ces crimes pour lesquels la guillotine dresse dans l'aube naissante ses deux grands bras rouges. Ils naissent au fond des impasses et dorment dans les lits communs où leurs daronnes font des passes avec les autres et les uns. Mais ces chérubins faméliques qui vivent avec ces damnés ont de longs regards angéliques dans leurs grands chasses étonnés. Et quand ils meurent dans ces fanges, ils vont tout droit au paradis. Car ces petits-là sont les anges, des ruelles et des taudis. Jean, avez-vous lu ce fait divers dans le journal? Le petit cadavre du pré Saint-Gervais. 10 ans. Pauvre petite. Rosemée à cet âge, si elle vit. Cela pourrait être elle. Nous ne savons pas où elle est, ce qu'elle est devenue. Mon Dieu. Mon Dieu, la mère s'appelle Julie Massenot. Une ancienne femme de chambre portait ce nom. Pauvre mère. Ma douce amie, en supposant que ce soit notre fille, comment le saurions-nous? Je vais me rendre à la morgue. Peut-être trouverai-je un indice quelconque. Le hasard est parfois le meilleur des auxiliaires. Monsieur Jean Robin? Moi-même. Oui, je vous ai reconnu. Cette petite était l'enfant naturel d'une nommée Julie Massenot et d'un nommé Ragdal. Ragdal. Un sobriquet, si vous voulez mon avis. C'est bien l'enfant de cette fille. Et non pas une enfant recueillie ou adoptée. Oh, pour ça, non. La mère nous a remis l'acte de naissance. Le nom du père, naturellement, n'y figure pas. Nous le tenons de la maman et à titre de simple renseignement. Elle se prétend ancienne femme de chambre chez le banquier Bonner. Mais là... Entre nous, c'est une belle et bonne pierreuse. Ce sera probablement une affaire classée, tous ces gens. C'est de la racaille. Voulez-vous me rendre un service? Aussitôt les formalités judiciaires terminées, je désire me charger des frais que nécessiteront les obsèques de cette pauvre petite martyre. Concessions, marbriers, fleurs, beaucoup de fleurs. Nous allons consigner au greffe l'argent nécessaire aux funérailles. Votre générosité touchera le cœur de toutes les mères. Au moins, ce n'était pas Rosemée. Et j'ai été fou d'y croire. C'est les petits des grandes villes, les petits au cul mal lavé, contingents des guerres civiles qui poussent entre les pavés, sans gâteau, sans joujou, sans fringues et quelquefois sans pantalon. Ils vont dans de vieilles redingues qui leur tombent sur les talons. Ils traînent dans des philosophes leurs petits pieds endoloris, serrés dans de vagues étoffes, chaussettes russes de Paris. Ils naissent au fond des impasses, ils dorment dans des lits communs où leurs daronnes font des passes avec les autres et les uns. Et quand ils meurent dans ces fanges, ils vont tout droit au paradis, car ces petits-là sont les anges des ruelles et des taudis. C'est les petits des grandes villes, les petits aux culs mal lavés, contingents des guerres civiles, qui poussent entre les pavés. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 10e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Monique Thierry, Adrienne, Pierre Constant, Jean Robin, Daniel Vol, Suzanne Damour, Pascal Mazotti, Bonner, Roger Mollien, Roger de Charmeuse, Marianne Épin, Julie, Jean-Claude Webel, le greffier, et René Renaud, le journaliste, et Gilles Varga, Ginette Franck, Marie-Béatrice Gras. La rue Saint-Vincent, par Francine Bouffard. Au piano, Roger Pouly. Bruitage, Patrick Martinache. Collaboration technique, Maurice Biard. Prise de son, Madeleine Solin. Assistante, Annie Delers. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Ce 10e épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 11 septembre 1981. Le 11e épisode, le voici, tout de suite. À la vaisseau, sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle. Rue Saint-Vincent. Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Steen. D'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 11e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Dominique Paturel, Pierre Delbon, Janine Darcet, Manuel de Cset, Claude Nicot, Pierre Constant, René Renaud. Réalisation, Claude Roland-Manuel. Sur cette terre, pour s'amuser, se distraire, faut de l'argent. Aux savants comme aux ignares, aux philosophes, aux avares, faut de l'argent. Aux agents de change à la bourse, aux malheureux sans ressources, faut de l'argent. Bref, des quatre coins du monde, partout on crie à la ronde, faut de l'argent. Quand on est dans la panade pour se faire un peu de pommade, faut de l'argent. Pour boire une demi-bouteille, un verre de menthe, une groseille, faut de l'argent. Pour manger un peu de gibelotte dans une ignoble gargote, faut de l'argent. Pour les choses les plus minimes, même quand ça coûte 15 centimes, faut de l'argent. pour construire des usines, pour faire marcher des machines, faut de l'argent. Quand on veut se mettre dans le commerce, en France, en Chine ou en Perse, faut de l'argent. Aujourd'hui, pour faire fortune, sur la Terre ou dans la Lune, faut de l'argent. On peut la trouver mauvaise, mais je dis que pour gagner de la braise, faut de l'argent. Et quand une année funeste vient vous apporter la peste, faut de l'argent. Quand le choléra, la guerre, vient s'abattre sur la terre, faut de l'argent. On entend chaque puissance crier du côté de la France, faut de l'argent. Et la France, grande et féconde, répond à toute la map monde, v'là de l'argent. Profitons-en, monsieur de l'Excelsior, pour franchir la mare au hareng. If you please. Et nous rendre au pays des oncles d'Amérique millionnaires. Exactly. Vous vous rappelez, Jean Robin, dès qu'il résolut de rechercher Rose Aimée par tous les moyens... Le doux fruit de ses amours avec Adrienne Bonnaire, épouse de l'infâme comte Roger de Charmeuse. Jean Robin, dont avait expédié une dépêche à Patrice Guéry, son manager à New York, pour l'appeler à Paris, subito. À la réception du câblogramme, Patrice avait réagi à l'américaine, mathématiquement. Bah, time is money. Hello, Stetson Dolphin. Avez-vous un vapeur à fretter sous pression? Yes? Combien de nœuds? 15 et demi. Oh non, il m'en faut 18 au moins. Sorry. Hello, hello, mademoiselle, donnez-moi le White Cross Team Navigation Company, please. Dix-huit nœuds. Hooray! Vous avez un engagement intérieur? J'en règle le dédit, quel qu'en soit le montant. Mon comptable, soulagez-vous. Je serai à bord à 8 heures ce soir. L'étoile du Rhône. Merci. Tommy? Oui? Tommy, occupe-toi tout de suite des bagages. Que tout soit à bord quand nous embarquons. Tommy, le valet de chambre de Patrice, ne discutait jamais. Un vrai type. Et pas banal du tout, ce Tommy Turnip. Du plus beau noir qui se puisse rêver, garanti bon teint, disait Patrice Guéry, faisant allusion à la fois à la coloration de sa peau, à sa fidélité, à sa franchise rude et sauvage qui allait jusqu'à l'ingénuité. Âgé de 21 ans, il était d'une force herculéenne. Tommy, as-tu les dernières nouvelles du pays que nous allons quitter? Oui, monsieur, les journaux sont sur le guéridon. Ah. Le Morning Herald raconte un vol époustouflant dans la 22e rue, monsieur. Ah, mourir de rire. Écoutez ça, patron. Ah, voilà. Un vol a été commis la nuit dernière dans les circonstances assez singulières au numéro 34 de la 22e rue. À cette adresse existe une maison malfamée tenue par une Française connue sous le sobriquet de Marie Chabanet, parce qu'elle sortait d'un lieu de débauche célèbre de Paris, le Chabanet. Elle vivait avec un individu sans scrupules, ancien acrobate. Dans leur milieu, oui, on ne l'appelait que Monsieur Chabanet. Celui-ci, par une coïncidence bizarre, a disparu en même temps que les bijoux et les économies de Marie Chabanet. 800 000 francs français. Oui, patron. Son signalement a été diffusé à tous les agents du port. Mon Dieu, faut-il que ces journaux aient peu de choses à se mettre sous la dent pour publier un pareil fait divers en première page? Cette Marie Chabanet a été bien imprudente de donner la clé de son cœur et de son coffre à un acrobate. C'est vrai, patron. Of course, Mr. Patrice. Le Star of Erin s'apprêtait à lever l'ancre. Une nuit d'une obscurité profonde avec de gros nuages sombres que le vent de l'océan poussait comme un troupeau de monstres noirs dans le ciel sans lune. Une petite embarcation sans fanal se glissait légère, à peine visible, au milieu de cette immensité de navires qui fait ressembler l'Hudson à une forêt de mâts. Un homme, un seul, la faisait mouvoir avec vigueur et rapidité. Il portait un complet de voyage et une sacoche de cuir passée en bandoulière. Le Star of Erin, lève l'ancre à la marée. Comme c'est un steamer affrété par un particulier pour l'île au sol, et qui n'emporte d'autres passagers que ce type cossu, faut-il qu'il en ait de la braise, celui-là. Les policemen ne songeront pas à fouiner de ce côté. J'ai soigneusement compté les quais. Le 278 doit être celui que j'ai là devant mon blaze. Et le Star Oferin se profile là, pas loin. Allez, courage! Encore quelques coups d'aviron et j'amène la barque contre la chaîne raidie de l'ancre. Allez. Hop! J'agrippe la chaîne. Il ne me reste plus qu'à monter, pendant que mon embarcation fout le camp à la dérive. Un jeu d'enfant pour moi. Je grimpe, agile comme un singe. On dirait que les maillons de la chaîne à pic ressemblent au degré d'un escalier. Attention, j'arrive à la hauteur du quai. Chouette. Il n'y a pratiquement pas de lumière. Personne. Que la cabane du cantonnier. Allons-y, un dernier effort et je serai à bord. Qu'est-ce que c'est? Une ombre. Stop! If you please. Merde, les flics! Tout de suite les grands mots. Cher monsieur Chabanet, je ne vous veux aucun mal. Je désire simplement l'élégante sacoche que vous avez autour du cou. Allez, ouse plus vite que ça! Vous êtes un mauvais moineau, mais bon à mettre en cage tout de même. Je sais que tu transportes le magot de Marie Chabanet. Ragdal! Si, si, c'est bien ta voix. Mon vieux Ragdal! Oh, pour une surprise, c'est une surprise. Hein? La moitié. Hein, Ragdal, c'est encore une bonne affaire pour toi tout de même. Hein? Alors tu devrais savoir que Ragdal n'est pas homme à se contenter de la moitié d'une poire quand il peut la becquer tout entière. Tu ne le vois peut-être pas dans l'ombre, mais j'ai juste un petit revolver braqué sur ta fiole. Alors pas tant de rouspétance. Envoie le sac, ou moi je t'envoie un pruneau. Oh, t'oserais pas. Chiche! Une fois clamsé, tu fous le camp à la flotte. Moi je dirais que j'ai tiré en l'air, histoire de fêter le départ du Star Oferin. Ça se fait tous les jours. Hein? Allez, presto! Ragdal, c'est risqué. La sacoche peut piquer une tête. Je ne te le conseille pas. Accroche-la au bout de ma canne. Exécution! Et encore, je suis gentil, je te laisse tes bagoustes à ton compte avec la chaîne. Hein? Allez, bon voyage! Et Ragdal s'éloigna, allumant un nouveau cigare, après avoir passé à son cou la sacoche contenant la bonne braise que Marie Chabanet, laborieuse fourmi, avait pompée pendant 20 ans au michetons des deux mondes, et qui, chopée par un acrobate, macro par accident, grinche d'occase, s'en allait maintenant à l'empereur des dos, à Ragdal, pape des fripouilles. Mais Ragdal faisait des magnes, ayant frayé avec les gens de la haute. En vrai gentleman, descendant des croisées et toujours prêt à foutre le camp par les fenêtres, il salua correctement un couple qui se trouvait sur le quai. Patrice Guéry et sa femme Hélène. La jeune femme rendit gracieusement son salut à l'étranger, tout en continuant à causer avec son cher époux qui, lui, rendit la politesse d'un coup de chapeau. Oh, mon Patrice, je ne répéterai jamais assez combien je suis heureuse que John Ruvin ait une affaire si importante pour laquelle il nous oblige à partir pour Paris. Paris. Et nous y ferons connaissance avec Adrienne. Et je suis sûre que nous deviendrons une excellente paire d'amis. Quel merveilleux voyage en perspective. Adrienne, Jean Robin, affaire si importante qu'elle nous oblige à partir. Y aurait-il du nouveau dans le vieux monde? Et au fait, il avait une fille, le petit architecte d'Adrienne Bonheur, devenu milliardaire. Aurait-il appris son existence et par contre-coup la substitution d'enfant? Eh oui, À ce point d'urgence, cette affaire si importante s'appellerait-elle Rose-Aimée? 10 ans. Est-elle toujours vivante? Adrienne serait-elle devenue veuve? Dans ce cas, le comte de Charmeuse a-t-il emporté le secret de Rose-Aimée dans la tombe? Je deviens l'arbitre de la situation. Mais je vaux de l'or! Il y aura intérêt à aller voir si ma vieille copine Fifine Chopin me l'a gardée au frais. À cause de ma cavale, j'ai raté l'affaire de ma vie. Cette fois, il ne s'agit pas de se faire doubler, mais de devancer tout le monde. J'éprouve de plus en plus le besoin de respirer l'air de Montmartre. Une minute. Rapidité, mais aussi discrétion. La disparition officielle de Ragdal s'impose. Le magot de ma vieille amie Marie Chabanet va me permettre d'acheter une autre identité. Ils ont bien raison, les gens riches, de jamais se presser. La vie passe si vite. On ramasse ainsi des renseignements, en apparence anodins pour un flâneur. Prononcé à haute voix comme une chose toute simple. D'ailleurs, il n'y avait là rien de confidentiel pour quiconque, sauf pour moi. Sacré Chabanet. Il ne se doute pas qu'il va me rapporter beaucoup plus que le contenu de sa sacoche. Fâche de Ragdal. Il ne me laisse plus d'autre ressource que d'achever mon escalade en douce et de me hisser dans un canot de sauvetage. Ragdal, traître et bandit. J'arriverai pas en France en nabab, mais un jour ou l'autre, malheur à toi, je te les boulotterai. Pas trop mal dans ce canot. Ça secoue un peu, évidemment, avec la haute mer. On a déjà doublé la statue de la liberté. Ah, c'est l'affaire de quelques jours. Oh, drôle d'apparition. Un vrai géant, tout noir, et fringué comme un aboyeur de cirque. Éviter le mal de mer, m'a-t-on dit, rien ne vaut quelques lampées de Old Scotch Whisky. C'est bon ça. En effet, ça va mieux. Oh, God Jesus! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il vient de me tomber dessus, quelque chose du ciel. Je suis pas sourd. J'ai juste eu le temps de boire une lampée. Oh zut, oh ma pauvre bouteille cassée. Oh. Eh bien, il n'y a pas à le dire. C'est un avertissement du ciel. Il ne veut pas que je boive du whisky. Oui. Alors je n'en boirai plus, juré. Je ne boirai plus que du cognac, puisque je vais en France. Hein? Tiens, mais une forme allongée, immobile. On dirait un homme. Oh, Mais vous avez mal? Oh, je crois pas. Oh là là. Ça va? Oui. Tout marche normalement. Oh, ce bon sang de bâton remue tellement qu'il m'a jeté à pile ou face sur le pont. Oh, j'ai la tête qui tourne. Eh bien, il y a de quoi tomber des gros nuages là-haut. Là-haut. Ah oui. Il est crevant, ce particulier. Il va finir par me prendre pour un ange. Il a une bonne bouille, mais j'ai jamais vu si noir. Dites, ce serait-il un effet de votre bonté de me donner à manger jusqu'au Havre? J'ai pas d'argent sur moi. Mais voici une bague, hein, d'au moins $100. Hein. Un homme tombe du ciel pour m'offrir une bague pleine de pierres qui brillent. Il y a du diable là-dessous. Monsieur. Oui. Tommy Turnip est un honnête homme. Il n'accepte rien des personnes qu'il ne connaît pas. Mais si vous voulez me faire l'honneur de venir dans ma cabine, nous pourrons y faire une partie de poker et tout en buvant des grogs. D'accord ? D'accord. Qu'avait-il proposé là, votre brave Tommy ? Ce n'est pas le genre d'invitation à lancer un maquilleur de brême de la force de ce monsieur Chabanet. Alors, mon bon Tommy, ça ne va pas ce matin ? Oh. Le mal de mer ? Ce serait plutôt mes économies, patron. Je les ai perdues cette nuit. Oui, au poker. Avec qui ? Tu sais que c'est interdit à bord. Avec un homme tombé du ciel. Va me chercher ton individu tombé du ciel ou de la lune. Je me méfie des gens qui changent d'astre comme cela. D'accord. Je suis flambé. Le négrio m'a donné parce que je lui ai refait son pèse. Faut-il que je sois tourte aussi ? Mais l'habitude, c'est plus fort que moi. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Que faites-vous à bord ? Oh, monsieur, je suis un pauvre Français sans travail, sans ressources. Je n'ai pas de quoi payer mon passage. Vous êtes un effronté menteur. Cette chaîne de montre, ces breloques, ces bagues et surtout ces mains trop soignées ne sont pas d'un honnête ouvrier. Oh. Ou je me trompe fort, ou vous êtes un voleur et un souteneur. Oh. Parlez-moi de la 22e rue. Et de Marie Chabanet. Tommy ! Oui ? Passe-lui le journal. Bien, yeah, voilà. Eh bien oui, monsieur, oui. Oui, j'avoue, c'est moi. Ah. C'est moi qui ai emprunté cet argent à Lady Chabanet. Mais dans une bonne intention, je vous assure. Mais parfaitement, monsieur, pour mettre cet argent à l'abri. Oui, parce que nous devons nous marier une fois rentrés en France. Alors, j'ai pris les devants, voilà tout. Je vous le jure, monsieur, sur... C'est sur l'honneur. Mais oui, monsieur, oui, sur l'honneur. Eh bien, je vais vous aider à sauvegarder la fortune de cette estimable dame. Ah oui ? Confiez-moi la somme que vous avez ainsi mise de côté dans son intérêt. Je l'enfermerai dans mon coffre. Et dès notre arrivée au Havre, je lui télégrapherai que je tiens cet argent à sa disposition. En échange, je vous laisserai libre de débarquer. Oh, monsieur, ben, si vous saviez... Mais voilà bien mon malheur. Je n'ai plus rien. Mais rien ! Un misérable m'a tout pris, tandis que je montais à votre bord. Si c'était un effet de votre bonté de m'aider à me venger, un vol inqualifiable dont j'ai été victime par un malfrat pendant que j'escaladais dans la nuit le Star Offerine. Alors, comment me défendre, hein ? Agrippé à la chaîne de l'ancre. Mais vous connaissez forcément cet homme. Sinon, comment savait-il que vous portiez sur vous la somme empruntée à Marie Chabanet ? Qui est-ce ? Ragdal, l'empereur d'Edo, une crème de vache. Ragdal, bon, quelle profession, dites-vous ? Toutes ! En dernier lieu, marchand de viande à New York. Ah, vous voulez dire boucher ? Boucher, non, pas de la bidoche à découper. Non, je m'entends de la fesse. Ragdal, il fournit des petites femmes aux maisons d'Europe et d'Amérique. Vous m'écœurez, monsieur. Vous n'êtes pas très recommandable, mais votre voleur l'est encore moins. Oh oui. Quant à Marie Chabanet, elle vous vaut tous les deux. Je ne veux donc pas me mêler de vos histoires. Aussi, je ne vous dénoncerai même pas. Allez vous faire pendre ailleurs. Oh, merci, monsieur, pour cette bonne parole. Je vous revaudrai ça, hein. Vous verrez qu'on a son honneur. Tommy, fais mettre un hamac dans l'entrepont. Et qu'il soit nourri jusqu'au Havre où vous débarquerez. Et lestement, compris ? Et toi, Tommy, ne joue plus au poker. Oui, patron. Ok, patron. Viens par là. Tiens, beau blond. Allez, je te la rends ta galette. Oh, gardez ça, monsieur. Vous me l'avez gagné honnêtement, je suppose. Oh. Oui, autrement, vous auriez senti les points de Tony Turnip. Venez d'abord à la cuisine. Un bon zig, ça c'est vrai. Il pouvait me faire paumer, chouettos. Mais je suis Poros. S'il a besoin de moi pour de la fesse et pas foireuse, il me retrouvera. Maintenant, à nous les maturins. Il s'agit de s'en faire bien voir, car les matelots sont des rigolos. Et pour flatter les bons culs goudronnés du bord, il y a là de la seule chanson de mer qu'il connoblait. Nous irons à Valparaiso. Goodbye farewell, goodbye farewell. Nous irons à Valparaiso. Mes amis, mes très chers amis, quelle joie de vous serrer dans mes bras. Hélène, permettez-moi de vous embrasser à la française. Une bise sur chaque joue. Adrien ne vous accompagne pas? Quel dommage. Cela ne lui a pas été possible. Dès que le Sarf Erin fut signalé à brève distance du Havre, j'ai fait chauffer un train spécial qui m'a amené à quai juste au moment où le steamer jetait l'ancre. Oh, merci de votre célérité, mes amis. Hélas, ma chère Adrienne vit dans le désespoir. Notre fille, Rosemée. Je compterai les détails par la suite. Morte? Oh non! Pire, le comte de Charmeuse s'est livré à une criminelle substitution d'enfant. Oh! Mon pauvre John. Hélas, avec la complicité d'un certain Ragdal. Ragdal? Vous dites Ragdal? Ragdal? Oui, Ragdal. Il serait surprenant que vous ayez entendu parler de ce répugnant personnage. Je l'ai peut-être croisé. Tommy! Tommy! Oui, patron? Amène-moi, monsieur Chabanet. L'homme tombé du ciel, monsieur? Mais il a quitté le bord aussitôt arrivé? Comme vous l'aviez ordonné. Vite, Tommy, vite. J'ai une minute à perdre. Voici de l'argent. Va à sa recherche. Prends deux ou trois matelots. Parcourez la ville. Faites tous les assommoirs, les bouges, les tripots, les maisons de filles. Tu peux te griser, jouer même. Je te permets tout. Mais ramène-moi, monsieur Chabanet. Coûte que coûte. Ok, patron. Allez, va. Mon cher Jean, il s'agit d'un passager clandestin. Une relation d'un ragdoll. Et avec une sacrée dent contre lui. Mais c'est providentiel. Enfin, enfin une piste. J'ai pu acquérir par un ancien camarade du quartier latin une vieille et mauvaise photo de Ragdal aux archives de la police, qui le suspecte d'un tas de méfaits, mais qui ignore sa véritable identité. La photo n'est pas bonne, mais c'est la seule existante. Ragdal, comme son surnom l'indique, ne donne jamais rien, encore moins son portrait aux femmes. Que ce soit Suzanne Damour ou Julie, l'ancienne femme de chambre d'Adrienne, qui attribuait pourtant à Ragdal la paternité de sa fille, la petite victime du Pré Saint-Gervais, aucune ne possède de portrait. Souhaitons donc que votre Tommy réussisse à rattraper votre Chabanet. À moins que celui-ci ne soit déjà en route pour Paris. Et ne s'y perde. À Pontruche! Fille d'Angevin, pour tout faire, elle était bonne chez un vieux marchand de vin à Charonne. Quand le maître en eut soupé, elle erra son domicile sur le pavé retapé à Belleville. Un soir, elle rencontra un boucher sans gigolette qui voulut l'emmener à la Villette. Mais les bouchers sont brutaux, elle reçut des torgnoles, puis une nuit s'enfuit au Batignolles. Rencontre d'un cocher qui cherchait une femelle et qui l'emmena bâcher à Crenelle. Puis son ventre ayant grossi, elle accouche dans un bouge, par là pas trop loin d'ici, à Montrouge. Pour élever l'innocent, elle dut se mettre en carte et travailler le passant à Montmartre. Et voilà, mince Chopin, faut vraiment être quenuche pour venir chercher son pain à Pantruche. C'était Les Bas-fonds de Paris, par Jean-Jacques Stine, d'après le roman d'Aristide Bruand. Aujourd'hui, 11e épisode, avec Jean-Roger Caussimon dans le rôle de Bruand, et Dominique Paturel, Ragdal, Pierre Delbon, Patrice Guéry, Janine Darcet, Hélène, Manuel Dexet, Tommy Turnip, Claude Nicot, Monsieur Chabanet, Pierre Constant, Jean Robin et René Renaud, le journaliste. La rue Saint-Vincent par Francine Bouffard, au piano Roger Pouly. Bruitage Patrick Martinache. Collaboration technique Maurice Biard. Prise de son Madeleine Sola. Assistante Annie Delers. Réalisation Claude Roland Manuel. Ces épisodes des Bas-fonds de Paris, les 10e et 11e, ont été diffusés respectivement les 11 et 14 septembre 1981. À suivre, et d'ici là à télécharger ainsi que les précédents épisodes de la série sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.